Yeah. Quand on a R, on fait avec. Quand on a R, on fait avec. J'ai v'là le seul, je suis né avec. Faut v'là la zèque, du blé avec. Yeah. Plus les jours se ressentent, et plus les doutes se ressentent. Je trouve le poule et le sang. Yeah. Ouais. C'est complexe le flou. Mais pour complexe, faut du flouze. Sans billet vert, j'ai le blues. Yeah. Ouais. Je suis encaissé l'échec, maintenant je vais encaisser l'échec. Je suis là pour blesser des schnecks, yeah. Tout baiser, sans succès pour du buzz. Pas de bisous quand je suis busy. Je veux pas garder la base, yeah. Ouais. Monte sur ma eux qu'elle est raide. On fume sans chaîne, on prend les règles. Je tiens les commandes, je tiens les rênes. Yeah, deux, trois pétas sur la piste. Tous mes négros sur la liste. Tout le monde habillé sur la tise. Moi je fais tirer sur la tige, yeah. J'ai cru que je t'aimais bien, je me suis gouré. Je veux tout et je prendrai tout ce que je pourrais. Je t'envoie plus de cœur si je t'ai fourré, yeah. Et si t'es là à cause de mes pros, je t'offrirai pas de bouquet de roses. Je sais même pas si t'es bonne ou si t'es grosse. La névrose abîme les crocs de mes négros. Plus bactère dans le métro, on a la dalle, on crève, on veut qu'est gros. Ouais gros. Ouais gros, chacun les siens. Ouais gros, y'a pas de hiérarchie des blèmes pro. Enculé, ignore-les ou bien tu l'es. Bon, j'ai quand même un cœur. Ouais mais mon cœur est cagoulé. Je ressens plus rien, mon cœur est qu'à m'isoler. Y'a blâ les soirs où je vais préférer m'isoler. Y'a blâ les soirs où je regrette d'avoir picolé. Des gens avec qui je regrette d'avoir rigolé. Yeah, ouais. J'en ai ras le cul, j'en ai plein les dents. J'allume la télé, c'est inquiétant. J'ai l'impression de voir la fin des temps. Yeah, ouais. Je suis comme le crack dans la vraie réalité. Car c'est vert et la réalité. Y'a pas d'ange dans les télé-réalités. Négro, tu vois bien que je suis fâché. L'être humain a plein de vis cachés. Faut que je vide ma tête, je vide un petit sachet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets. Yeah. Oh merde, on fait nos bails dans nos corners. Pour mieux l'insérer dans leur mère. Ouais, mon héros, j'ai dit oh merde. Yeah, il faut une bombastique qui mastique. Pas de surf ni un sans plastique. Sinon, ça n'a rien de fantastique. Yeah. Ouais. À ton passement de jambes crochet. Je perds une partie, je gagne la prochaine. Il faut un gros chèque pour mes projets. Yeah. Yeah. Every day, je fais qu'effruter. J'ai hérité de la vérité. C'est évident, faut m'éviter. Yeah. Mauvaise nouvelle, mauvaise habitude. Réseaux sociaux, médias vous manipulent. Tu sais déjà comment je m'intitule. Jossman aka la canicule. Yeah. Yeah. Quand on a R, on fait avec. Quand on a R, on fait avec. J'ai v'là le seul, je suis né avec. Faut v'là la zèque, du blé avec. Yeah. Ouais. Quand on a R, on fait avec. Quand on a R, on fait avec. Quand on a R, on fait avec. Yeah. Quand on a R, on fait avec. Quand on a R, on fait avec. Quand on a R, on fait avec.